L'effrayante aventure, troisième partie, chapitre 4, le tout pour le tout. Sir Russell s'attendait si peu à entendre une voix humaine répondant à la sienne qu'il était resté un instant interdit, comme suffoqué. Mais se ressaisissant aussitôt, il plaça ses deux mains en porte-voix devant ses lèvres et cria à plein poumon « Qui a parlé ?» Voilée, paraissant lointaine, la voix répliqua « Moi, Euseb la bergère, rédacteur au Nouvelliste. Et moi, je suis Sir Russell Random. » Nom de Dieu ! Pardon de l'exclamation, mais avouons qu'elle était dans la note. Vous pouvez vous vanter d'être un joli coco et de nous avoir fourrés dans un beau pétrin. Où êtes-vous ? Je n'en sais rien. Là ou ailleurs, quelque part, ou nulle part, à 200 ou 300 pieds sous terre. Êtes-vous blessé ? Je n'en sais rien. Mais moulu, démoli, ne pouvant remuer ni pied ni patte, ah, ce que je donnerais pour prendre un distingué au café de Boubouroche. Ne vous découragez pas, on en sortira. C'est déjà beaucoup de n'être pas mort. Voyons, écoutez-moi. Il agita la flamme autour de lui. Voyez-vous une lueur, un reflet ? Je ne vois rien, je suis trop abruti. Bon, tenez-vous tranquille et attendez. La bergère gronda encore quelques mots qu'on n'entendit pas. À celle qui avait recouvré toutes ses facultés de logique, se disait très justement que la grotte où il se trouvait communiquait certainement avec quelque autre poche ou caverne, sans doute celle dont le plancher de celle-ci formait le plafond. Armé de sa lampe, il se mit donc à explorer soigneusement la caverne, se rapprochant peu à peu du vrilliogir qui occupait l'une des extrémités. Déjà, il en avait fait deux fois le tour, très surpris de ne trouver aucune ouverture par laquelle la bergère eût pu être précipitée dans les sous-sols, si cette expression peut être employée à cette profondeur. Soudain, il s'arrêta devant une masse noirâtre qu'il avait déjà frôlée en passant et qui lui avait produit l'impression d'être un bloc de pierre de nuances plus foncées que les autres. Mais cette fois, la heurtant volontairement du pied, il eut une surprise. Cela n'avait pas la rigidité de la pierre, c'était mou et élastique. Il se pencha vivement et tâta de sa main large ouverte. « Mais c'est un tas d'étoffes » murmura-t-il, à moins que il palpa cette fois plus vigoureusement. Sous l'étoffe, il y avait de la chair. C'était un corps organique. Mais en vain, il s'efforçait à la lueur de sa lampe de reconnaître la forme, la nature de l'objet. Il ne voyait qu'une sorte de rotondité sur laquelle était tendue comme une gaine de drap noir. Tout d'un coup, il poussa un cri. C'était un corps humain, mais si étroitement encastré dans un cadre de pierre qu'il semblait impossible de l'en arracher. Vivant, mort, il ne bougeait pas, n'avait pas un frisson, pas un tressaillement. Pourtant, posant sa main bien à plat sur l'étoffe, Russell constatait que la chaleur animale n'avait pas disparu. Il s'agenouilla, posa son oreille sur la partie qui saillait et écouta attentivement. Cela respirait, cela vivait. Le drap était celui d'une redingote anglaise, d'où en conclusion ce nom qui jaillit des lèvres d'Assel Random, Bobby. Et quand il l'eut crié, il se fit dans le dos en question comme un léger remous, dont quelque part sous ce dos, il y avait une tête avec des oreilles. Pourtant, Russell considérait cette chose avec inquiétude. Certes, il semblait fort simple d'employer ce dos à pleine main par l'étoffe et de l'enlever en attirant vers lui le reste du corps. Mais la pierre formait autour de lui une bordure si étroitement adaptée qu'il semblait impossible que ce reste suivît l'impulsion. Heureusement, Sir Russell n'était pas homme à abandonner la partie. À force d'efforts, il parvint à introduire ses deux mains entre la bordure de pierre et le cadre, et les jambes écartées, tirant en haut de toute sa vigueur, il arriva à desserrer l'étau qui comprimait le thorax du malheureux. Il eut alors une autre crainte. Il sentit que le corps, dégagé de l'étreinte qu'il retenait, tendait à tomber dans l'espace vide qui s'étendait autour de lui. Il fallut que Sir Russell fît appel à toute sa vigueur, très supérieure à la moyenne d'ailleurs, pour que, soutenant le corps d'une seule main, il pût user de l'autre pour le redresser. Enfin, le corps bascula légèrement, et les épaules, puis la tête sortirent. Un dernier sursaut, et Bobby, oui, Bobby, émergeait de ce trou où il s'était encadré si maladroitement. Mais dans quel état ? Hélas ! Livide, les yeux clos, avec une éraflure au front d'où perlaient des gouttes de sang. Sir Russell rapidement le palpa, l'ausculta. Rien de cassé, c'était miracle. Seulement un évanouissement, suite d'une chute. Le vrai homme n'était-il pas là ? Le portefeuille du savant était une véritable trousse, un arsenal médical. La petite seringue fit son apparition, et ayant mis le mollet à nu, Sir Russell fit une toute petite injection. Puis, en attendant l'effet, il revint du côté où il avait entendu la voix de la bergère. Chose fort curieuse, il lui était impossible de trouver une nouvelle fissure dans la pierre qui formait le plancher. Mais alors, était-il d'aventure passé tout entier par le trou à l'orifice duquel Bobby s'était si malencontreusement arrêté? C'était réel. Il en eut la preuve immédiate, car le reporter qui s'impatientait là-dessous se mit à crier « Hé, là-haut ! Est-ce que vous auriez la prétention de me laisser moisir dans ces catacombes ?» Cette voix, sa voix, tout à l'heure arrêtée par le corps de Bobby qui faisait tampon, arriva claire et vibrante. Cela explique aussi comment la lumière du vrillium ne pouvait parvenir jusqu'à lui. Maintenant, il la voyait au-dessus de lui. « Écoutez-moi !» lui cria Attel. « Nous ne pouvons pas nous dissimuler que nous nous trouvons dans une situation plus que critique. Apprenez d'abord que Bobby est vivant, là, près de moi, et que dans quelques minutes, il sera parfaitement valide. »« Chouette !» clama la bergère d'un accent gamin. « Il m'aurait manqué. » »« Donc, nous serons trois à unir nos efforts pour sortir d'ici. Il s'agit de conserver notre sang-froid, de faire appel à toute notre ingéniosité. Commencez-vous à secouer votre accablement ? Oui, oui. Si j'y voyais plus clair, je me remettrais tout à fait. Mais vous savez, dans le noir d'une cave, qu'on ne connaît pas, on n'emmène pas très large. Je vais vous éclairer aussi largement que possible et vous répondrez à mes questions. Allez-y ! Sir Russell s'étendit sur le sol et, par le trou que l'extraction de Bobby avait laissé libre, il passa son tube de lumière. « Parfait !» cria la bergère. « Gaz à tous les étages. Il y a du mieux. Pouvez-vous vous dresser ? Regardez où vous êtes. Je suis sur pied. L'endroit n'est pas gai. Une cave, une grotte, ce qu'on voudra, mais énorme. Quelle est, à votre avis, la hauteur du plafond ? Je n'ai pas l'œil très juste en ce moment. » Dans les 5 à 6 mètres. Voyez-vous quelque moyen de vous hisser jusqu'à l'orifice où est la lumière ? Aucun, pas la plus petite échelle. Des murs qui semblent d'un seul morceau, sans aspérité ou poser le bout du pied ni accrocher un ongle. Si bien que vous ne pourriez remonter ici ? C'est de toute impossibilité. Il faudrait au moins 3 hommes se faisant la courte échelle. Question à étudier. Vous allez pour l'instant retomber dans le noir. Il faut que je m'occupe de Bobby. Faites donc, je vous prie, je ne suis que patience. Sir Russell avait entendu Bobby bouger derrière lui. Il se retourna. Bobby était maintenant assis par terre, les yeux écarquillés et l'air parfaitement ahuri. Il faisait des gestes incohérents, comme s'il eût adressé un monologue muet à une personne invisible. Évidemment, la terrible secousse qu'il avait éprouvée avait quelque peu déséquilibré ses méninges, et quand Sir Russell s'approchait de lui, il eut un mouvement de recul. Le jeune Anglais lui parla lentement, doucement, cherchant à imprimer dans son esprit la conviction qu'il était sauvé. Affirmation dont, hélas, à part lui, il contestait l'absolue vérité, Mais à mesure qu'il le rassurait, Bobby, peu à peu, reprenait sa physionomie normale. Enfin, il reconnut son interlocuteur et s'écria « My God ! Vive l'Angleterre ! Vive Sa Majesté l'Empereur et Roi !» Cette effusion de loyalisme acheva de le remettre d'aplomb. « Tiens, nous sommes vivants !» fit-il. « Ah, c'est Mrs. Bobby qui sera contente. Je vais lui télégraphier tout de suite. »« dit Sir Russell. « Dites-vous bien, cher monsieur Bobby, qu'il nous faut d'abord sortir d'ici. » Bobby promena autour de lui des regards légèrement hagards. « Où ça ? Où sommes-nous ? » ?»« À quelques centaines de pieds sous terre, tout simplement. »« Oh ! » fit le détective. « C'est beaucoup. Alors nous sommes perdus ?»« Tant que le sang circule dans nos veines, » répliqua Sir Russell, « tant que la tête est saine et les muscles élastiques, il ne faut jamais désespérer. Vous n'avez rien de cassé ?»« Rien. La tête est nette ?»« À peu près. » »« Eh bien, je vous dis, moi, Sir Russell, que nous ne devons nous avouer vaincus qu'après tout avoir tenté pour nous tirer d'affaire. Allons, Bobby. » Vous êtes citoyen anglais. Il faut que vous et moi nous fassions honneur à notre pays. N'oubliez pas qu'il y a là-dessous un Français qui nous jugera. Un Français ? Qui cela ? Mais votre amie la bergère ? Tiens, c'est vrai ! Comment il n'est pas plus démoli que nous ? Penchez-vous sur ce trou et parlez-lui. Hé, la bergère ! How do you do ? « Quite well, much obliged !» répondit le reporter avec un bon rire. « Où êtes-vous ? Je vous raconterai ça quand je le saurai. Pour le moment, je voudrais bien que Sir Russell nous dise s'il a une idée quelconque pour sauver nos carcasses. »« Écoutez-moi tous les deux, » dit l'anglais. « Nous avons été précipités dans une espèce de gouffre dont nous ne pouvons malheureusement connaître la profondeur. » Par on ne sait quel miracle, le vrilliogyre a résisté au choc et nous a frayé la voie dans une sorte de puits au fond duquel nous avons glissé. Quand vous étiez au-dessus de moi, peut-être soutenu par le toit, vous êtes arrivé jusqu'à l'endroit où, dans une des parois du puits, une solution de continuité existait. Vous avez roulé dans la poche où nous nous retrouvons, Monsieur Bobby et moi. Là était une ouverture dans la paroi inférieure. Vous, Monsieur la bergère, vous y êtes tombé, et c'est chose surprenante que vous ne nous soyez pas brisé les os. Monsieur Bobby s'est mal présenté et a été arrêté par les contours de l'orifice où il était enchâssé comme un diamant dans l'or qui le sertit. Je l'ai tiré d'affaire. Je voudrais faire mieux. Raisonnons donc. Il n'est aucun moyen humain de remonter dans le puits, qui d'ailleurs doit être obstrué. Pour une pareille ascension, nous ne disposons d'aucun moyen. Et le vrillium lui-même ne peut pas nous être d'utile secours. Conclusion, il nous faut trouver une autre issue. Nous sommes parés pour certaines éventualités, contre l'obscurité, contre la faim et contre des obstacles matériels que le vrillium peut renverser. Nous nous ferons notre chemin et, la science aidant, nous parviendrons peut-être à remonter à la surface de la Terre. Oh, Paris, les boulevards ! Gémit comiquement la bergère. « Et un boc bien tiré !»« Enfin, comme vous, la bergère, ne pouvez venir à nous, il faut que nous descendions jusqu'à vous. Et c'est de l'endroit où vous êtes que nous commencerons notre exploration. Monsieur Bobby, avez-vous quelque objection à présenter contre ce plan ?»« Aucune, » fit Bobby en bombant le torse. « Avec le vrillium, j'irai au bout du monde. » Par malheur, pour le moment, le monde pour nous n'est pas très spacieux et le bout n'en est pas éloigné. Agissons, monsieur Bobby. Ne bougez pas. Je rentre dans le vrilliogyre, pauvre épave que je me vois forcée d'abandonner. Je prends divers objets dont nous pouvons avoir besoin. Monsieur Bobby, tenez la tige éclairante à bout de bras et laissez-moi faire. D'un bond léger, Sir Russell rentra dans la cabine. 5 minutes après, il en ressortait muni d'une petite caisse et d'un rouleau de cordelettes grosse comme le petit doigt. « Maintenant, mon cher monsieur Bobby, Je vais avoir l'honneur de vous attacher par les aisselles et de vous descendre auprès de votre ami, monsieur la bergère. Vous n'y voyez pas d'objection. Dès maintenant, je me considère comme en service et je vous tiens pour mon chef. Perfectly well, go on. En un instant, Bobby fut solidement amarré sous les bras, avec la meilleure volonté du monde, tenant dans ses bras la caisse qui lui était confiée. Il se laissa glisser dans le trou en question, suffisamment large pour qu'un corps en situation normale y passât tout entier. Et la descente commença. 5 mètres. La bergère avait calculé juste. L'affaire s'opéra sans encombre. « J'ai Bobby dans mes bras !» cria la bergère. « Mon cœur palpite !»« Ah, ça et vous ! Comment diable allez-vous nous rejoindre ?»« Comme ceci !» dit Sir Hassel, qui se suspendant par les mains au rebord de la voûte, se laissa tomber, souple et habile, et se trouva sur pied. Bien vite, il ralluma la lampe un instant éteinte. « Prenez vite chacun une pilule Berthelot, dit-il. Il faut toute notre force. »« Ce n'est pas que ce soit mauvais, » dit la bergère, mâchonnant l'aliment chimique, « mais ça ne vaut pas un beefsteak. »« Nous n'en sommes pas à faire de la gourmandise. La caisse, monsieur Bobby. » Il l'ouvrit et en tira 2 tiges qu'il remit à ses compagnons après en avoir fait jaillir le fluide lumineux. « Inspectons les lieux, » dit-il. Marchant l'un derrière l'autre, se rassel en avant, ils se mirent à explorer l'énorme poche creuse dans laquelle ils étaient emprisonnés. Et soudain, se rassel poussa un cri de joie. « Il y a une issue !» C'est-à-dire qu'ils venaient de découvrir une fente très haute, étroite, qui semblait avoir été tranchée dans le roc d'un coup de hache. « Nous sommes sauvés !» fit Bobby, qui était d'humeur optimiste. « À condition, rectifia Sir Hassel, que ce couloir, qui me paraît fort étroit, conduise quelque part. Ailleurs vaut mieux qu'ici. »« Très vrai, approuva la bergère, et dire qu'au-dessus de nous, il y a de bons Parisiens qui vont, qui trottent, qui blaguent. Peut-être dans l'axe de ma tête se trouve-t-il juste une brasserie? Eh bien, où diable est passé notre Anglais ?» En effet, Sir Hassel venait de s'engager résolument dans la fente et avait disparu. « Attendez un peu » cria-t-il. « À quoi bon nous risquer tous trois dans cette exploration première ?» Il y eut un long silence, puis la voix reprit. « Venez, tous les deux. Faites attention, il y a là une descente assez rapide. »« Une descente !» soupira le reporter. « Ah, nous n'aspirons guère à descendre, comme disait le vieux Corneille. Enfin, mon vieux Bobby, qui sait, nous sortirons peut-être d'ici aux antipodes par quelque île ignorée de l'océan Pacifique. Ça ne me ferait rien, mais ce sera long. Et moi qui avais un rendez-vous à 2 heures rue Tête-Boue. » Il s'engagea rapidement dans le souterrain dont les parois à pic permettaient à peine à ses larges épaules de se déployer. Bobby, toujours obéissant, le suivait en serre-fil. Eh bien, demanda le reporter, qu'est-ce que vous pensez de nos affaires, monsieur Duvrillium? Sir Hassel, arc-bouté sur 2 pieds, promenait la lueur de sa torche sur la hauteur de la paroi. Êtes-vous géologue? Demanda-t-il à la bergère. J'ai quelques notions de ça, comme de tout. Un bon journaliste doit être bon à n'importe quoi. Fût-ce à faire au pied levé une conférence à la Sorbonne sur les révolutions du globe. Bon, vous me comprenez, c'est tout ce qu'il faut. Je suis, je vous l'avoue, profondément étonné. Ignorant aussi bien que vous à quelle profondeur nous nous trouvons, pourtant je ne puis m'imaginer comment les sédiments sont composés. Les roches qui nous enveloppent appartiennent à la dernière période de l'ère tertiaire. Ce que nous appelons le Miocène, au moment où commence le Pliocène. C'est à cette époque que remonte la formation du terrain sur lequel aujourd'hui repose Paris. Alors, fit la bergère en allumant une cigarette, hélas, la dernière qu'il avait tenue en réserve, c'était avant 1830. Il doit y avoir de cela quelques centaines de mille ans. Ah, la pierre est bien conservée, elle ne paraît pas son âge. Et cependant, que de secousses, que de perturbations le sol subit à cette époque, s'écria Sir Hassel. Des phénomènes puissants dont nous pouvons à peine nous former une idée, modifiés continuellement et avec une brusquerie stupéfiante les conditions climatériques qui passaient d'une excessive chaleur à un froid glacial, aux effluves du soleil dont les ardeurs tropicales peuvent à peine nous donner une idée, succédaient presque instantanément des rafales de neige et de pluie que des vents furieux et desséchants figeaient en glacier. C'était le temps des éruptions volcaniques de l'Auvergne et les roches microlithiques. « Cher monsieur, » interrompit doucement le reporter, « excusez-moi de vous couper la parole, mais ne pourriez-vous pas remettre ces explications à plus tard ? Le temps passe et... » Il regarda sa montre. « Il est bientôt l'heure de l'apéritif. » « Vous avez raison, » fit Sir Hassel en riant. « Quand le démon scientifique s'empare de vous, on oublie tout le reste. » Au moins, cette science au nom rébarbatif nous indique-t-elle un moyen de salut ? Hélas, en aucune façon. Cependant, les bouleversements qui eurent lieu à cette époque furent si énormes qu'ils permettent toutes les hypothèses. Qui sait si au moment où nous nous y attendrons le moins, nous ne trouverons pas une issue ? À moins que nous n'en trouvions pas. Parfaitement, c'est compris. Enfin, je prends des notes pour le plus beau reportage qui ait jamais été perpétré. J'ai mon titre, « Voyage à travers le Miocène ». Mais je vous avoue que je voudrais bien en être à l'heure où je toucherai mes droits d'auteur. Il s'était remis en marche, la faille s'était subitement élargie, puis le sol était devenu de plus en plus difficile, avec des saillies et des creux qui les faisaient trébucher. Soudain, une triple exclamation, faite de surprise et de désappointement, s'échappa de leur poitrine. Devant eux, fermant complètement le chemin, une muraille se dressait, haute, lisse, jointoyée avec autant de perfection que si elle eût été faite de ciment, sans une fissure, sans un interstice. Le long couloir dans lequel ils marchaient depuis si longtemps était coupé. La bergère avait laissé échapper un juron aussi énergique que peu parlementaire. Le brave Bobby lui-même, malgré la correction de sa tenue et de son langage, avait lâché un équivalent dans sa langue. Seul Sir Hassel était resté muet, comme suffoqué. Seulement de grosses gouttes de sueur mouillaient son front. Cette fois, c'était bien la faim, la désespérance, la mort. En admettant qu'ils revinssent sur leurs pas, ils se retrouveraient dans la caverne qu'ils avaient quittée. Il y avait déjà plus de 2 heures, et déjà, ils savaient que, de là, nulle évasion n'était possible. Ils étaient cernés, enterrés, séquestrés. « Nous sommes foutus, » dit laconiquement la bergère. « Adieu, Mrs. Bobby, » murmura douloureusement le détective. « Et tout cela est mon œuvre, » s'écria Sir Hassel. Que la mort vienne donc pour me délivrer d'un immortel remords. « Voyons, mon vieux, » dit la bergère d'un ton conciliant, « ne vous frappez pas comme ça. Il est vrai que notre belle carrière est achevée, et je sais que ma mort est une vraie catastrophe pour le monde entier. Bah, il s'en consolera. Il ne nous reste qu'à prendre notre parti. Ce qui me taquine, c'est que j'avais toujours rêvé de mourir en beauté. Et c'est laid, c'est sale de crever dans une cave, fut-elle pliocène ? Si encore on pouvait s'offrir un bon frichti avec champagne, café et liqueurs variées, sherry brandy ou fernet branca. » La voix de Bobby s'éleva, pleurarde comme celle d'un enfant. « Moi, ça me fait tout de même de la peine de mourir. Voyons, Sir Hassel, essayez quelque chose. Vous êtes savant. » « Vous avez le vrillium !» À ce mot, Sir Hassel releva la tête. Mais oui, Bobby avait raison. Cette force énorme dont il disposait, avait-il le droit de ne la point employer, fût-ce même imprudemment, follement, puisque tout espoir semblait perdu, le moment n'était-il pas venu de tout risquer ?« Écoutez, mes amis, » dit-il d'une voix résolue, « Monsieur Bobby dit vrai, j'ai le vrillium. » Grâce aux appareils que j'ai placés dans la caisse qui est là, je peux tenter de percer, de renverser la muraille qui nous fait obstacle, et au-delà de laquelle, qui sait, nous pouvons trouver le salut. « Parfaitement, » fit la bergère. « Allez-y !» Sachez bien ce que nous risquons. Peut-être cette muraille fait-elle partie de l'assise sur laquelle repose la voûte qui nous couvre. Cet appui lui manquant, elle peut s'écrouler. Alors c'est l'écrasement, la mort immédiate. Eh bien, on mourra, voilà tout. Il est certain que si nous restions là à nous tourner les pouces, nous n'en viendrons pas à moins au quick final. Et peut-être, très laid, nous serions capables de nous disputer, de nous battre, même de nous manger les uns les autres. Oh ! Fit Bobby. Mais oui, mon petit. Quand tu auras perdu la tête, tu es parfaitement capable de vouloir me grignoter un bras. Donc, monsieur Random, vous avez ma pleine autorisation. Que votre aimable Vrillium tape plein de dents, coupe, tranche, démolisse. Quoi qu'il arrive, ce sera le compte. Et puis, dites-vous bien, avant de commencer, que moi, la bergère, je ne vous en veux pas le moins du monde. Ça n'est pas votre faute si cet imbécile de Cogsworth est venu s'affaler dans notre avion. Et je reconnais que vous avez tout tenté pour réparer le mal qu'il avait causé et sauver nos braves parigots de la plus intense frousse qu'ils aient jamais éprouvée. Vous avez risqué votre peau. Cela a mal tourné. Moi et Bobby, nous sommes ici en amateurs. C'est notre affaire. Donc, voilà ma main, mettez-y la vôtre. Et c'est un bon chicken d'amis qui aimerait évidemment mieux trinquer avec un vermouth exportation à la terrasse du café Cardinal ou Véron au choix, mais qui au moins prennent les choses philosophiquement, en braves garçons qu'ils sont, et qu'ils regrettent seulement de n'être pas plus longtemps. La bergère, qui pourtant n'était pas sentimentale, avait débité cette petite tirade d'une voix légèrement rauque qui venait du cœur, les gratta le gosier. Sir Russell prit la main qui lui était tendue. « Eh bien, et moi ?» fit Bobby en avançant la sienne. « Je ne vous en veux pas non plus. Ça m'ennuie, c'est tout. » Les trois hommes se serrèrent vigoureusement les mains. « Le serment des Horaces, dessus de pendule !» ricana l'incorrigible la bergère. Sir Russell ne proféra pas une parole. Pâle, mais très calme et de parfait sang-froid, il s'était agenouillé, avait ouvert la caisse que Bobby avait déposée sur le sol et s'était emparé de divers instruments qu'il adaptait soigneusement. Quand il se redressa, il rayonnait. Malgré les épouvantables risques qui le menaçaient, lui et ses amis, la passion de la science le ressaisissait, car il allait procéder à l'une des plus intéressantes expériences auxquelles le Vrillium peut se prêter. « Restez à quelques mètres de moi, » dit-il. « Il se peut que des éclats de pierre soient projetés qui pourraient vous blesser. Mettons au moins toutes les chances de notre côté. » Armé alors d'une sorte de tarière emmanchée au bout d'une forte tige de métal à laquelle était adaptée une petite sphère contenant évidemment le Vrillium, il l'appliqua contre la muraille. Il fit jouer un ressort. Une étincelle jaillit. On entendit un grincement, comme d'un mouvement rotatoire d'une vitesse énorme. La tarière désagrégeait la roche de gypse et une poussière infinitésimale tourbillonnait et retombait. « Victoire !» cria Hassel. « Cette muraille n'a pas plus de 30 pouces d'épaisseur. J'en aurais raison. » Il retira sa tarière qui laissa un large trou. Puis, patiemment, il recommença l'opération à côté. Ainsi font les cambrioleurs qui veulent détacher la porte blindée d'un coffre-fort. En quelques minutes, un cadre était formé, ne laissant plus entre les trous qu'un très petit intervalle. Sir Russell alors modifia son appareil et à la tarière substitua une sorte de masse de marteau et de nouveau un ressort joua. Cette fois, les étincelles furent plus fortes, crépitantes comme des coups de revolver, et le panneau de pierre se fendit, se brisa, tomba. Une ouverture était pratiquée, d'un mètre carré, permettant largement le passage d'un homme. La route, les murailles, rien n'avait bougé. Saisissant la torche, Sir Russell se pencha à mi-corps par le panneau ouvert et cria « Ami, un prodige ! Une grotte de diamants !»